Unité 1. 2. A. Bonjour, on va rapidement faire un petit tour de table pour se présenter. Moi, je m'appelle Marina Bonini. B-O-N-I-N-I. Alors, on va commencer par vous. Vous êtes ? Sandra Janssen, c'est d'origine allemande. Alors Janssen, ça s'écrit J-A-N-2-S-E-N. Bonjour, alors moi c'est Fatia, Fatia Morvan. Morvan, ça s'écrit M-O-R-V-A-N. Eh bien moi, c'est André Lorieux. L-O-R-I-E-U-X. Alors moi, je m'appelle Philippe Fernandez. Alors Fernandez, c'est F-E-R-N-A-N-D-E-Z. Bonjour, alors Céline Tribalier. Et Tribalier, ça s'écrit T-R-I-B-A-2-L-I-E-R. Salut, eh bien, c'est Kevin Garcia. C'est un nom argentin et ça s'écrit G-A-R-C-I-A.